Le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a prononcé un discours historique à la 9e conférence de l'Union de la Jeunesse Socialiste Kim Il-sung. Il y a indiqué, entre autres, la 9e conférence de l'Union de la Jeunesse Socialiste Kim Il-sung sert d'occasion décisive pour défendre et faire briller à jamais l'idée et les exploits des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il en matière de mouvement de la jeunesse et développer l'organisation des jeunes en rang avant-gardiste invincible conformément à la demande de la nouvelle époque. En traduisant la volonté et les vœux unanimes de tous les jeunes coréens, la décision sur la nomination de l'Union de la jeunesse en Union de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-iliste a été adoptée. La nouvelle nomination avec les noms des deux grands leaders est un événement décisif ayant jeté une solide base pour développer l'Union de la jeunesse en organisation éternelle du président et du général, et c'est l'honneur et le bonheur infini des organisations de l'Union de la jeunesse et des jeunes. La 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung est le rendez-vous des fidèles manifestant la foi et la volonté des jeunes avant-gardistes d'achever jusqu'au bout la cause de la révolution Juche suivant la direction du parti en continuant l'histoire glorieuse et la tradition de lutte de l'Union de la jeunesse. Le rassemblement pour la marche générale appelant dynamiquement les jeunes à la grande œuvre de l'édification d'une puissance socialiste et le meeting historique ayant marqué un nouveau jalon dans le progrès victorieux du mouvement original des jeunes et le développement de l'Union de la jeunesse. L'histoire des 70 ans de l'Union de la jeunesse est auréolée de la brillante victoire grâce à l'idée originale privilégiant les jeunes des grands leaders et à leur direction sage, et elle est brodée de la grande fidélité et du dévouement patriotique des jeunes coréens soutenant le parti, le leader, la patrie et le peuple. Le président Kim Il-sung, qui a commencé de bonne heure le mouvement des jeunes pendant la dure lutte révolutionnaire contre le Japon, a avancé l'idée originale sur le mouvement des jeunes et conduit un à un le travail des jeunes en leur sollicitant de la confiance et de l'affection immense. Le général Kim Jong-il a développé l'Union de la jeunesse en organisation des fidèles aux partis et aux leaders par sa ligne privilégiant les jeunes et sa direction éclairée et chevronnée, et inaugurer la nouvelle ère de prospérité du mouvement des jeunes en formant les jeunes en continuateurs fiables de la lignée du Paektu et en maîtres compétents de la cause révolutionnaire Juche. Il a considéré la primauté des jeunes comme la première affaire d'État et la ligne stratégie révolutionnaire tout le long de la direction de la révolution afin de régler parfaitement le problème de la jeunesse pour la première fois dans l'histoire et édifier l'unique puissance des jeunes dans le monde. Voilà les exploits exceptionnels de nos grands leaders. En fait, le mouvement de la jeunesse coréenne est celui glorieux de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-iliste, commencé et développé grâce à l'idée et à la direction sage des leaders, et notre puissance des jeunes Kim Il-sung Kim Jong-il est empreinte de la confiance et de l'amour sublime de nos leaders. La lutte héroïque et les exploits des jeunes qui ont défendu résolument le parti, le leader et la patrie le long de la cause révolutionnaire sacrée et promu dynamiquement l'édification socialiste de siècle en siècle brilleront à jamais dans l'histoire de notre parti et de l'édification de la puissance des jeunes Juche. Dans la lutte colossale et fière pour le progrès et la prospérité de la patrie et le bonheur du peuple, les jeunes ont été formés de façon révolutionnaire et endurcis sur le plan spirituel et physique pour se faire le grand rang des jeunes invincibles formant le rempart imprenable autour du parti. Nos jeunes patriotiques et héroïques sont alloués dans le monde entier et la présence d'une telle organisation fiable des jeunes est la grande chance du Parti du Travail et la fierté de la Corée et il constitue la puissance et l'avenir à Dieu de notre digne État. Aujourd'hui, l'Union de la jeunesse a la lourde et honorable tâche de se développer en celle des grands leaders suivant la demande de la nouvelle époque de la révolution Juche et de manifester parfaitement la puissance de l'avant-garde et de la troupe de flanc du parti dans la lutte pour appliquer la décision du 7e congrès du parti afin de marquer l'apogée du mouvement de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-iliste. Pour s'acquitter de la mission et du devoir sacré assigné devant l'époque et la révolution, Il faut que l'Union de la jeunesse transforme tous ses membres en Kim Il-sunistes et Kim Jong-ilistes. Cela est la demande mûre pour le développement de notre révolution et du mouvement de la jeunesse à la nouvelle étape élevée et le drapeau combatif apporté par l'Union dans la lutte pour achever la cause révolutionnaire Chutse. Les jeunes sont les continuateurs de la révolution Chutse et l'Union de la jeunesse est la troupe de réserve fiable de notre parti. L'avenir du parti et de la révolution et le sort de la patrie et de la nation dépendent considérablement du rôle des jeunes. L'Union de la jeunesse assume une mission très importante pour réaliser le programme de notre parti et pour transformer toute la société par le Kim Il-sunisme, Kim Jong-ilisme. De bonne heure déjà, le général Kim Jong-il avait dit que l'Union de la jeunesse joue un rôle important dans la lutte révolutionnaire de pair avec le parti et l'armée, et qu'avec la puissance du parti, de l'armée et de l'Union de la jeunesse, on n'a rien à craindre dans le monde. Transformer tout le parti, toute l'armée et l'Union de la jeunesse selon le Kim Il-sunisme et le Kim Jong-ilisme est la ligne de notre révolution et le gage fondamental pour achever la cause révolutionnaire Chutse. Pour transformer tous ses membres en Kim Il-sunistes et Kim Jong-ilistes, il faut défendre et faire briller l'idée et les espoirs de direction du mouvement de la jeunesse des grands leaders et instaurer parfaitement le système de direction unique du parti au sein de l'Union. L'Union de la jeunesse doit inviter tous ses permanents et membres à se dévouer entièrement au travail pour faire à jamais honneur aux camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il comme leaders éternels. Elle doit former tous les jeunes en authentiques Kim Il-sunistes et Kim Jong-ilistes en se basant foncièrement au travail d'éducation idéologique. Le but final de l'éducation des jeunes, c'est de les former en vrais Kim Il-sunistes et Kim Jong-ilistes. Le contenu de leur formation, c'est l'idée révolutionnaire de notre parti et l'esprit révolutionnaire du Pekto. Toutes les structures de l'Union de la jeunesse doivent maintenir l'éducation en 5 points du parti comme les principales matières d'éducation idéologique pour former les jeunes en Kim Il-sunistes et Kim Jong-ilistes et livrer effectivement ce travail à travers toutes les formes d'éducation idéologique et à toutes les occasions. Les structures de l'Union de la jeunesse et les jeunes doivent être avant-garde et troupes de choc dans l'éducation de la puissance socialiste. Tous les jeunes sont tenus de manifester l'honneur des jeunes héros de notre époque dans la lutte fière pour édifier la puissance socialiste en suivant fidèlement la tâche combative avancée par le 7e congrès du parti. Manifestons parfaitement l'esprit et le courage des jeunes héros dans la marche générale pour l'édification de la puissance socialiste. Voilà le mot d'ordre combatif apporté actuellement par l'Union de la jeunesse et les jeunes. Les jeunes doivent suivre la direction de la révolution de Sun-gun de notre parti et devenir la troupe de choc dans la défense de la patrie socialiste. Ils sont l'avant-garde de la révolution de Sun-gun et le gros dans le combat pour défendre la patrie. Tous les jeunes doivent savoir profondément l'idée de notre parti privilégiant les armes et considérer la défense de la patrie comme l'obligation la plus sacrée et le suprême patriotisme afin de s'engager vaillamment dans la lutte pour défendre la patrie socialiste. Les jeunes sont appelés à opérer sans discontinuer de nouveaux prodiges et innovations avec le vaillant esprit offensif et le courage de la jeunesse, en brandissant le drapeau de la primauté et de la capacité de se renforcer soi-même dans tous les secteurs de l'éducation de la puissance socialiste. Ils doivent livrer dynamiquement les concours collectifs dans l'accomplissement de la stratégie quinquennale du développement de l'économie nationale pour créer de nouveaux normes et records et dépasser chaque fois les plans journaliers, mensuels et trimestriels de l'économie nationale. Les structures de l'Union de la jeunesse doivent redynamiser divers mouvements de masse tels que les mouvements pour obtenir le prix de flambeau de la jeunesse Sun-gun et de troupes de choc des jeunes dont la supériorité et la vitalité ont été prouvées dans la pratique. Plus les jeunes manifestent au maximum la puissance des mains d'œuvre en réponse à l'appel du parti et progressent vaillamment, plus le pays sera animé et la cause d'édification de la puissance socialiste sera promue davantage. Les jeunes doivent également être pionniers et exploitants de l'édification de la puissance des sciences et techniques, le créateur de la civilisation socialiste et l'avant-garde de l'édification de la puissance civilisée. Les jeunes doivent œuvrer sincèrement pour réunifier la patrie en toute indépendance et réaliser l'émancipation du monde entier. à la tête de la grande œuvre nationale pour mettre un terme à la division nationale qui persiste infiniment et défier la puissance unifiée, digne et prospère, doivent être les jeunes, fils et filles de la nation et avenir de la patrie. Le mouvement de la jeunesse coréenne est lié étroitement avec le mouvement de la jeunesse mondiale. L'union de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-liste a le devoir important de renforcer sous le drapeau anti-impérialiste et pour l'indépendance, l'unité et la collaboration avec les jeunes progressistes du monde attachés à l'indépendance et contribuer à la réalisation de la vraie justice internationale et de la cause d'émancipation du monde. L'union de la jeunesse est appelée à appliquer l'idée et le principe de la politique extérieure de notre parti pour contribuer remarquablement à renforcer la solidarité anti-impérialiste, l'amitié et l'unité avec les jeunes progressistes du monde et à développer le mouvement de la jeunesse mondiale. Pour que l'union de la jeunesse ouvre l'apogée de la prospérité dans le mouvement de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-liste, il faut rehausser autant que possible sa fonction et son rôle combatif. L'union de la jeunesse Kim Il-suniste, Kim Jong-liste et les jeunes qui avancent suivant la voie de la révolution coréenne indiquée par le comité central de notre parti sont promis un avenir radieux et le mouvement de la jeunesse coréenne a un avenir riant. Que tous œuvrent dynamiquement pour l'achèvement de la cause socialiste Juche, la transformation de l'union de la jeunesse par le Kim Il-sunisme, Kim Jong-lisme et l'avenir prometteur de la puissance des jeunes.